Le sujet, le numéro 123, la reconnaissance des forces. Il y a bien une façon de voir ça, reconnaissance des forces. Les forces qui te reconnaissent, et puis toi qui reconnais les forces. C'est un petit mélange des deux. On pourrait dire que la reconnaissance pour les forces, c'est une action mutuelle. Et non pas un fonds mutuel. Mais quand on comprend le mot une action mutuelle, vous comprendrez qu'il ne vous donne rien si vous ne donnez rien. C'est toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il faut donner pour qu'il nous donne quelque chose. Eux autres sont très, très friands, c'est des consommateurs de peur. Tu donnes une peur que tu affrontes ou que tu te débarrasses, tu leur donnes une peur. Moi, pousser ça comme ça, là, ils vous donnent un pouvoir de savoir. Mais si vous gardez vos peurs, ils ne vous donnent rien. Vous allez avoir une déviance constante de l'information par le biais de la peur. Si moi, exemple, j'ai peur de perdre un chat, ils vont me faire perdre des chats. Si j'arrête d'avoir peur de perdre des chats, je ne paye plus de chats. Parce que c'est quand même eux autres qui gèrent toute sa planète, là, au complet, là, les animaux, les abeilles, tout ce que tu peux imaginer. Et tout est géré en fonction d'amener le mental à un maximum de liberté. Vous avez un mental libre, donc dégagé de toute forme de réflexion. Ils vont tout vous donner. Parce que si tu réfléchis pas, tu peux pas avoir peur. La peur, c'est une interprétation de la vie qui est fausse et qui est amplifiée par l'émotion. OK? Donc, t'as une erreur dans le coco. Il y a quelque chose qui est faux. Tu sais, tu vas dans le noir, puis tu penses voir un loup-garou. Tu commences à avoir peur qu'il y ait un loup-garou, et tu te laisses le temps de mettre des émotions là-dedans. Et puis, à un moment donné, tu vas voir un loup-garou. Ils vont te le faire porter à un niveau d'imagination extrême. Et si cette peur-là ne s'endigue pas, ils vont pouvoir t'en faire apparaître un, puis disparaître aussi. Mais ils peuvent te créer des conditions de perception qui sont tellement démesurés que tu vas être obligé de faire face à ta peur à un moment donné. C'est vrai dans toutes les conditions financières, sociales, émotionnelles. T'as peur, exemple, de... Bernard m'avait dit avant de mourir, il dit, gros minou, tu vas avoir le pouvoir si t'as pas le pouvoir. Ce qu'il fallait comprendre là-dedans, c'est que si tu cherches pas à avoir de pouvoir, tu vas avoir du pouvoir. Mais si tu cherches du pouvoir, tu vas avoir peur de le perdre si tu l'as, puis tu vas le perdre parce que t'as peur de le perdre. Vous me suivez jusque-là? Fait que la reconnaissance des forces à votre égard, c'est de vous placer dans une situation où si vous autres, vous êtes capable de vivre avec une reconnaissance d'eux autres, vous êtes protégé contre tous les événements qui sont négatifs. Mais il ne faut pas pousser l'affaire, comme je parlais à Gilles tout à l'heure, il ne faut pas pousser l'affaire à penser que si tu n'as pas peur, puis que c'est une attitude de pas peur, ça ne te permet pas de pas être prudent. Vous me suivez? Parce qu'il ne faut jamais oublier que tu as un corps, tu vis dans la matière, puis qu'eux autres, si tu pousses la matière à une zone que ce n'est pas possible, ils peuvent te donner le pouvoir de la lévitation. Mettons que si tu es sur un pont, puis tu entends des roches tomber, puis tu dis, ah, le pont est en train de s'écrouler, faut pas avoir peur, on est force dans le cul. Ben, c'est vrai qu'ils te le donnent dans le cul, mais te donner le pouvoir de la lévitation sur une période de 30 secondes, pas sûr que tu es capable de le faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut un temps de préparation pour le corps pour être capable de prendre un pouvoir des forces. Ça, c'est jouer avec le feu. Fait qu'il y a des situations qui sont tellement irrationnelles que pour qu'ils te donnent ça, il faut que tu aies abandonné une peur vraiment. Mais il faut pas que tu aies joué avec les forces de la logique, là. C'est dans le sens qu'il y a des choses qui peuvent pas te donner autrement que dans une autre vie, mettons. Comprenez-vous? Bon, dans la mesure où un individu est capable de comprendre ça, les forces vont le reconnaître, vont le protéger si lui, il fait ce qu'il faut qu'eux autres demandent de faire dans le temps réel de l'exécution. Moi, il y a des affaires comme l'histoire des loups. Je ne pouvais pas dire au premier chat, j'ai juste à me choquer, les crier dans le bois, bah, bah, bah, bah. C'était trop frais. Ça m'a trop pris par surprise. Puis, en dans 2 semaines, il en a zappé quatre, là. OK, les autres, c'est mort de maladie. Mais ils m'en ont zappé quatre, là, que je n'ai entendu un crier. Même, tu sais, au début, c'est tes voisins qui font ça, c'est impeccable, papa. Là, quand t'entends un petit chien japper dans le bois, Tu comprends pas. Tu dis, voyons, qu'est-ce qu'un petit chien peut bien faire à 1 h du matin, en plein bois, à l'obscurité? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'entende une meute, puis je dis, ah, la mère, elle entraîne le bébé à chasser du chat. Un petit coyote s'ajappe comme un petit chien. Voilà. Ça hurle peut-être plus tard, quand les gosses commencent à y travailler pour pouvoir accoupler. Là, ça va peut-être hurler. Fait que les fosses ne peuvent pas me donner l'info vite. Fait que s'ils ne peuvent pas te donner l'info vite, ils ne peuvent pas te mettre dans le pouvoir dans un instantané, dépendant d'une situation peut-être extrême. J'ai déjà entendu des histoires incroyables, moi, en termes d'accidents, puis c'était réellement au-dessus de la norme, là. Mais pour que les fosses te donnent un niveau de reconnaissance, style protéger tes vies à l'extrême, il faut que tu aies un niveau, toi, de reconnaissance d'eux autres à un niveau extrême. Fait qu'étudie la charge que tu as sur les épaules. C'est comme moi, exemple, j'ai la responsabilité pour survivre de toujours être intense. Puis le jour que ça ne sera pas possible, ça va être mon dernier temps. On va être fini. Vous me suivez? Je n'ai pas le pouvoir de créer une condition de finance plus vite que la logique de la consommation. On s'entend? Tu sais, je peux pas inventer, recommencer le travail de Bernard quand il avait 40 ans. De toute façon, ça se fait une fois, ça se fait pas deux fois. Parce que c'est transhistorique, ça, là. C'est pas une affaire de, il faut que t'aies une gang. Non. Tu vends pas des saucisses, là, Chris. Tu vends quelque chose qui marque une vibration dans une étape X de la société ou de la décennie, ou pas plus que la décennie, dans un courant de 2000 ans, là. C'est un initié fort. Fait que moi, je suis comme une espèce d'initié complémentaire qui fait qui crée des champs d'application, mais si le monde ne participe pas, je peux pas aller chercher par la main, hein, c'est clair et net. Donc, le pouvoir, il t'est pas donné par magie. Conséquemment, la reconnaissance des forces va être très, très individuelle et très personnelle pendant une longue phase de la société. Là. T'sais, on parle de 200-300 ans, là. Mais tu sais, quand tu regardes ta vie, là, mon compte à payer là, avec l'hydro, là, c'est à toi et 2 mois. Hein, fait que je sais pas si vous autres c'est pareil, mais moi, c'est 2 mois. 2 mois, à toi et 2 mois, il faut que je paye quelque chose. Pour l'ensemble des gens qui regardent la vie normalement, de penser qu'il peut avoir une protection occulte, c'est toujours perçu comme de la magie. C'est pas perçu comme les forces interviennent. C'est pas perçu comme les forces me disent ou me font faire telle chose pour me dépanner. J'ai des problèmes de coyote, j'arrive au centre de tir. Le gars, il dit, disons, ce qu'on aime le plus chasser, c'est du coyote. Ben, justement, j'en ai pas mal. Il dit, donne-moi ton adresse, m'en aller chez vous. C'est mon plus grand fun de tirer du coyote. Ça, c'est une manifestation des forces. Mais il faut que j'aie aussi la lecture que c'est les forces qui me présentent ces gars-là. Et je n'ai pas pris le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que je veux le faire moi-même. Mm-hmm. Vous me suivez? Tant que je suis dans le « je », le « veux », le « faire » moi-même, je ne laisse pas les forces intervenir. Parce qu'eux autres m'ont envoyé des chasseurs. Tu sais, c'est comme, ils m'informent, ils rentrent dans mon monde, puis c'est une syntonie. Fait que si vous êtes capable de lire, on parle bien juste de lire, là. Si vous êtes capable de lire l'information, l'intervention des forces qui vous connectent avec d'autres personnes télépathiquement, appelez ça comme vous voulez, là, c'est qui vous mettent ensemble. Il y a toujours un pourquoi, une raison. Puis quand tu comprends le qu'est-ce qu'ils font, tu comprends tout le temps qu'ils te protègent. C'est ça qui est à comprendre. Mais tu peux pas être protégé, puis tu peux pas absolument faire ce qu'ils font parce que tu le sais pas qu'ils sont là. Tu n'entends parler, mais tu ne le sais pas. Il y a bien de vous autres qui viennent à mes activités. Même si vous passiez 40 ans avec moi, si vous ne savez pas les forces, vous n'aurez jamais de reconnaissance d'eux autres. Puis c'est pas leur job de vous faire la preuve. C'est à vous autres à observer. Vous avez l'obligation d'observer leur intervention, de voir qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe, le pourquoi ça se passe, puis qu'est-ce qu'ils te font vivre là-dedans. Très, très, très important. Moi, là, j'ai compris là qu'ils font du ménage parce que cet hiver, probablement, je vais travailler comme un débile dans mes CD, puis les conférences sur Internet, n'importe quoi. Là, ils me préparent à ne pas avoir trop d'énergie à mettre ces choses. Puis les carabines, ben moi, dès que j'ai fini mes compétitions, là, ça va tirer juste pour mon état mental parce que, bon, là-dessus, je n'ai pas d'objectif autre que ça. Là. Fait que, tu sais, je l'avoue, l'avenir, tu sais, je l'avoue, je vois comment qu'ils bâtissent ça, c'est intelligent, c'est toujours intelligent. Partez tout du problème que vous avez, qui est toujours intelligent, ça va vous donner un gros coup de pouce, ça, là. C'est un problème, c'est intelligent. Alors, regardez les conséquences du problème, là, qu'est-ce qui doit être fait pour le régler, quelle énergie, quel état mental qui est nécessaire pour le régler, pourquoi qu'il revient tout le temps, s'il revient tout le temps, c'est parce que tu fais la tête de cochon quelque part. Puis là, tu vas pas dans le sens des forces. Les forces, c'est intelligent, mais intelligent, c'est pas magique, là, c'est intelligent. C'est une procédure très logique vue d'un autre point de vue. Vous me suivez? Fait que, si, exemple, ils ont un travail à faire pour dans mes consultants, comme au niveau de la communication, ben si à un moment donné, là, le niaisage, là, ils sont tannés, ils vont me faire monter en intensité, puis tout ce qui a à sortir va sortir. Comprends-tu? Même toi, là, t'es fidèle, hein? Mais si à un moment donné, ils trouvent que t'as trop peur, ils vont s'arranger pour que tu viennes une fois par 6 mois. Ils vont être plates de même. Parce que tu vas avoir peur. Puis là, ils vont te dire, t'as peur, puis faut que tu passes à travers ta peur. Là, tu vas dire, non, non, je suis pas prête. Mais je suis pas prête pour eux autres, c'est pas une réponse. C'est eux autres qui mènent, c'est pas toi qui mènes. C'est pas ta peur qui mène. Comment qu'ils fonctionnent? Ils veulent que tu le saches. Ils veulent que tu les reconnaisses. Ils veulent que tu les reconnaisses pour éventuellement se faire reconnaître pour te reconnaître. Ils veulent te reconnaître dans le sens d'établir comment je dirais ça, une fonction, une utilité d'être intelligent. Vous autres, être utile, intelligent, c'est juste survivre. Hein? C'est pas ça qui les intéresse. Vous serez jamais intelligent de votre parole à rien faire. Jamais. Puis c'est dans votre parole que l'action va commencer. C'est pas dans votre compréhension. Oubliez ça, la compréhension. La compréhension, c'est juste pour vous sécuriser. Vous allez comprendre, puis je ne suis même pas sûr que ça va vous sécuriser. Mais quand vous allez commencer à parler des questions, parler des réponses, parler, là, vous allez commencer à faire vibrer les choses. Il faut que vous sachiez que parler, ça fait vibrer. Si vous ne le savez pas, vous recommencez à zéro. Puis c'est la pause. Tu sais, le jeu de Parcheesi, le serpent, vous allez pogner, ouais, les jeux d'échelle, vous allez pogner le serpent souvent, souvent, souvent, souvent. Parce que ce qu'ils veulent dans la matière, c'est que vous soyez capable de faire un merge, une fusion entre eux autres, puis la matière. Vous autres, vous êtes l'ingrédient qui est trempé dans la sauce, qui est le thermomètre de la sauce, puis ils veulent que dans la sauce, tu fasses ta job, que tu sois capable de capter, remonter ça, ces plans, puis te renvoyer le, qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est un mouvement ascendant, descendant. C'est pas... Tu sais, j'ai vu plein de monde, moi, qui avait de la proximité avec Bernard. Les plus proches, ils ont jamais rien catché de ce qu'il faisait comme travail. Jamais, jamais. C'est trop occulte pour leur tête. Mais ils se sont pété bretelles parce qu'ils étaient proches. Proches, ça veut dire quoi? Ça veut dire être utile. Tu peux être utile à laver ses toilettes, puis il va te garder chez eux tout le temps parce que tu laves les toilettes. Mais ça te donne pas un niveau de conscience. C'est pas un virus, c'est beau là, ça, là, la conscience. Là. Tu pognes pas ça parce que c'est une proximité avec le malade. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une démarche individuelle, une démarche personnelle, faut qu'il y ait un travail continu, constant. Sinon, la société te rebouffe. Elle va te manger tout rond. C'est évident, ça, là. Puis c'est pas parce que t'as une belle vie, entre guillemets, sociale, que tu es intelligent. C'est juste que tu suis les règles, tu payes tes impôts, papa, puis là, la vie elle continue. Mais c'est pas ça, la vraie vie. Là. La vraie vie est à un autre niveau. C'est dans les tests que tu passes. Bon, ben les personnes qui disent, ah, ben moi, je reconnais les forces. Qu'est-ce que tu fais avec la reconnaissance? Ah, ben, je sais qu'ils m'ont fait faire ça. Ah, ouais? Bon, ils t'ont fait faire ça. À cette heure, toi, tu vas faire quoi? Ah, ben, j'attends qu'ils m'envoient d'autres choses. Ouais, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui est la commande constante des forces? Tu prends-tu tes breaks? Ben, je vis ma vie. Tu vis ta vie, une vie plus que plus normale, puis tu penses que tu as les forces dans le cul? Je sais pas, moi, ce que je comprends, moi, des initiés, c'est crissement plus sportif que ça. C'est rock'n'roll pas mal. Tu sais, c'est pas des petits problèmes standards, là. C'est du gros voltage. Ah, ben, moi, non. Moi, des fois, ils m'ont permis de passer à la rue sans puis tout le monde a arrêté dans la rue. Ah, ouais, bon, c'est bien. Puis ça, pour toi, c'est une manifestation des forces qui va changer la planète, là. Ben, je ne pense pas qu'on ait besoin de changer la planète. Non, mais peut-être que qu'est-ce que tu vibres, ça change quelque chose dans ton environnement. Tu as même pensé que sortir de ton nombril, ça pourrait te faire voir d'autres choses que ce que tu fais. As-tu déjà pensé que tu pouvais représenter une région, un pays, une ville, n'importe quoi, puis que quand toi, il t'arrive de quoi, il arrive de quoi à la ville, ou il arrive de quoi à la province, ou il arrive de quoi à un pays. Moi, ce que je me rappelle, c'est que Bernard suivait beaucoup, beaucoup la politique parce qu'il pensait que tout ce qu'il voulait, ça passait par le président des États-Unis. Hein? Ça t'a jamais passé par la tête, qu'il pensait qu'il était régent planétaire parce que selon ses États, il se passait de quoi en Ukraine, il se passait de quoi en Russie, il se passait de quoi aux États-Unis. Il avait ce niveau de conscience-là de voir qu'il y avait un impact sur son environnement, dans son cas planétaire, mais tout, ça pourrait être la ville de Brossard, là, tu sais, ça pourrait être d'autres choses. Ah, non, non, ça, non, moi, ma vie, c'est, je vais chez IGA, je me fais un petit lunch, puis la vie est belle. Oh, OK. Puis tu penses que les forces, ils vont mettre en branle un régiment complet pour te faire te déplacer ou te protéger? C'est plus grand que ça, un peu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Ce qui fait que quand un individu dit « j'ai une conscience », dites-vous que votre action, OK, elle a des répercussions au-delà de votre ego. Que si ça a une répercussion au-delà de votre ego, on ne vous laisse pas faire ou vibrer des choses sans que l'environnement qui va avoir la... C'est comme hiérarchique, qui va avoir la séquelle de ça pour rien. Dernière fois que j'ai perdu mes chats par des loups, ils m'ont quasiment vidé la boîte, il me restait deux chats en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de 2008? Crash financier. Fait que j'étais le précurseur. J'ai toujours dit à tout le monde qui voulait l'entendre, je suis 6 mois en avant de tout le monde. Là, j'ai le même genre de razzia qui s'est fait. Ça a l'air d'être endigué un peu, mais je pense qu'il va y avoir un autre crash financier dans les deux éclipses du mois d'octobre ou au mois de janvier. Ça va encore cogner. Et là, tu vas dire, t'es-tu si important que ça? Non, je suis un thermomètre. Un thermomètre. Vous êtes tous des thermomètres de quelque chose. C'est juste que vous n'avez probablement pas conscience d'être le thermomètre de quelque chose. Même si c'est d'un petit groupe, vous êtes un thermomètre. L'élément le plus conscient capte et vit les choses avant ceux qui sont entraînés par les conséquences de ce qui vibre. Et vous n'êtes pas responsable. Vous êtes des thermomètres. Vous êtes des antennes qui envoient une onde. Et comme votre antenne est très, très sophistiquée ou plus sophistiquée que votre environnement, vous captez quelque chose et ça descend dans l'antenne et ça va se répercuter dans l'environnement social. Il y a une grosse purge. Il n'y a pas beaucoup d'actions de fait avec la commission Charbonneau, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en relief. Savez-vous qu'un gars comme Accourseau qui ne voulait pas passer à la commission, il est très intuitif, le bonhomme? Parce que si tu es identifié, ça fait vibrer un environnement donné, et le seul fait de vibrer, de passer dans les médias, d'être jugé par un ensemble de gens qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas un pouvoir légal, c'est suffisant pour changer toute sa vie. Donc, ce que vous vibrez, ça a des conséquences. Et puis les gens, même à un niveau d'inconscience quand même assez important, ils sont dans un ensemble à vibrer la chose ou à partir un courant de pensée. C'est suffisant pour changer et altérer une situation, un milieu. Turcotte, il a de la misère à sortir de prison, hein? C'est le monde, oui. C'est le monde qui l'ont placé plus longtemps que prévu. La loi y avait donné raison pour pouvoir sortir. Puis, oups, ça a été retenu. Puis, checker sa vie à l'extérieur, ça ne sera pas du gâteau. Il ne redeviendra pas cardiologue demain matin. Hein. C'est tout une affaire qui est bien occulte, mais qui est très, très réelle, puis qui est plus réelle que ce qui n'est pas occulte dans la vie. Tu sais, des affaires que, tu sais, c'est comme ça passe dans les journaux. Puis il y a plein d'affaires qui se passent en dehors de l'information, qui sont qu'est-ce que les gens vibrent à l'information. Et puis c'est ce qui se vibre à l'information qui a le plus d'action. Vous me suivez? Vous autres, vous avez l'avantage de lire dans les événements qui vous permettent de comprendre une information en dessous de l'information. Ça vous est donné, ça vous est accessible. Et beaucoup de gens me consultent pour aller voir des choses qu'ils ne voient pas et puis que je suis capable de décoder d'avance. Fait que dans le développement d'un être humain, Il y a des niveaux de conscience qui vont toujours aller chercher des éléments qui sont de plus en plus occultes, qui vont vous faire passer par une forme de médiumnité. Okay? Vous allez finir par sentir que vous êtes médium. Je vous mets bien en garde pour ne pas réfléchir le pouvoir qui vous est donné à ce moment-là. On va vous dire pourquoi. C'est parce que vous vous arrêtez là. Dès qu'il y a réflexion, il y a un stop. Vous êtes barré là. S'il n'y a pas réflexion, puis que vous êtes tout le temps capable d'aller chercher l'affaire que ça me dit que, donc que vous n'êtes pas propriétaire de l'information, si vous arrêtez de penser que vous avez des pouvoirs pour influencer quelqu'un, parce que j'en vois des fois qui disent « Ah, oh, ben, je t'insère, cette calice-là. » Touchez pas à ça. Les forces s'en occupent. T'as pas besoin de vouloir faire quelque chose. T'as besoin juste d'identifier un mal-être. Et puis, ils peuvent eux autres t'expliquer que c'est nécessaire, ce mal-être-là. Ils peuvent aussi t'expliquer que l'autre, tu fais partie de son scénario pour qu'il puisse évoluer, puis que ça sert à ça, que vous ayez un petit conflit pour qu'il puisse passer à d'autres choses, ces choses-là. Mais tombez pas dans l'affaire du jeu. Parce que plus vous allez là-dedans, dans des prises de conscience à caractère occulte, si vous mettez votre jeu là-dedans, puis vous essayez d'en faire un spectacle, ils vont vous faire éclater. Éclater, ça veut dire que vous allez tellement dilater que vous ne serez plus capable d'être cohérent. Je vous mets bien en garde. Normal. Ben, normal, selon les forces, c'est cohérent. Être cohérent, c'est ce que vous devez défendre le plus. Les forces, ils vont vous faire tout ce que vous pouvez faire dans de la cohérence. Mais l'astral, les autres, ils cherchent à vous défaire, à vous faire perdre votre cohérence, puis à vous faire vous envoyer en l'air. Attention à ça. La cohérence, c'est le seul cadeau que les forces vont vous donner jusqu'à votre mort. La cohérence, c'est votre ultime cadeau avec les forces. Et si vous perdez une cohérence dans la matière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le coco. Vous avez une correction à faire sur le gauge mental. Regardez vos actes. Puis si vos actes sont pas cohérents, c'est parce que vous avez des petites pensées magiques, là. Vous avez fumé du champignon magique. Là. Vous avez une attitude mentale qui est pas qui a aucun sentiment de responsabilité. Vous êtes plus dans votre adolescence, sacrément. Comprenez-vous? Fait que là, si tu as besoin de vieillir, ben, ils vont te la mettre dure en esti, là. Je pensais pas qu'ils vont vous enlever ça, là, comme ça, un petit coup de baguette. Oh, Christ, non. Regardez, ma vie, là, est pas facile. Puis je suis juste testé, moi, là. C'est pas des épreuves de vie, là. C'est des tests pour avancer. C'est pas des périodes de rattrapage que j'ai dans ma vie, moi, là. Je suis pas en rattrapage. Tous mes devoirs, je les ai faits. Ben, ils vont me passer à d'autres tests pour d'autres plans d'activité. T'inquiète. Donc, est-ce que vous êtes protégé, reconnu par les forces? Oui, si vous avez la reconnaissance des forces. C'est directement, c'est du donnant-donnant. Donnant-donnant. Tu ne les reconnais pas, tu discutes, c'est moi qui décide, puis oh, là, c'est eux autres, puis non, ça, là, c'est moi qui décide. Est-ce que tu joues pas au fou avec eux autres, ça, je peux te dire ça. S'il y a une place, tu ne peux pas jouer au fou avec eux autres. Fait que tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous êtes protégé, oui, mais pas sentimentalement. On ne vous aime pas. On vous utilise. Pour être utile, il faut être à leur niveau. À leur niveau, c'est être conscient, sans ça, on est du bétail. C'est-tu clair, pas l'avertissement, là, mais la mise au point, est-tu clair? C'est clair? Moi, personnellement, je ne me sens pas protégé par les forces. Je me sens utile aux forces. Utile? Si y a quelqu'un qui peut me remplacer, ils vont me discarter, ce ne sera pas là. Votre utilité aux forces, c'est votre capacité de suivre ce qui vous font vibrer et de le faire. Pas de le comprendre, c'est pas assez, là. Oubliez ça, la compréhension. C'est juste du blabla. C'est exactement comme une femme qui parle à un homme. Parler avec la conscience. Mais c'est pas retenu pour pouvoir agir avec. Question, s'il vous plaît. Tu sais, dans la première partie, je t'avais demandé est-ce que l'événement, pour nous faire reconnaître notre savoir, ben là, ma question, c'est est-ce que les forces, dans le fond, se servent de l'événement pour qu'on les reconnaisse, pour qu'on lise à travers l'événement pour dire, hey, c'est ça. Tu sais, Ouais, ça, Oui. ouais, ça se passe comme ça. Oui. Hein, au début. Oui. Au début, c'est ça. C'est à ça que sert les événements pour que. Non, c'est faux, ça. Non? Non, c'est pas. Il garde pas école toute ta vie. OK. À un moment donné, tu deviens un élément d'exécution. OK. Les choses que tu fais pas, que tu devrais savoir qu'il faut que tu fasses, comme cet été, cet hiver, c'est-à-dire j'avais 30 chats dans la maison, ils ont dit que tu en as beaucoup trop. Puis là, ils ont mis les puces là-dedans, ils ont mis la maladie là-dedans. Écoute, dans la maison, là, le soir, qu'ils viennent se coucher, il y en a peut-être au maximum 10. Mais ils sont tous dehors, les autres. Là, puis, si je veux les garder dans la maison, c'est quand ils viennent manger, il va être 10 heures le soir, je ferme les portes, là, je peux les avoir. Là, ça, c'est mon insécurité. Mais c'est pas vivable, ça. Le chat veut sortir pareil. Tu vas mourir, mon sacrement. Ah, il veut sortir pareil. Il s'en fout, lui. Fait que, ils te placent des événements pour que, au début, tu apprennes à voir qu'ils sont là. Ça, c'est le début. Ça peut durer 4-5 ans. Ça dépend du temps de la personne à intégrer l'affaire du jeu. Là. Intégrer dans le sens que c'est pas le jeu, c'est eux autres qui prennent sa place dans une action. Quand tu es capable de voir que c'est pas toi qui décide, mais ça décide, puis que c'est toi qui décide parce que ça décide, il faut comprendre la logique de l'affaire, là. Tu as l'impression de décider parce que tu dois contenir le mouvement de prendre une décision, mais la vibration, elle vient pas de toi, c'est les forces qui te mettent en vibration pour que ça décide, parce que là, tu es capable de décider. Comme ils me disent, Jean-Charles, il est 4 fois plus capable de décider cette année que l'année passée. Bon, je sais pas pourquoi il sort 4 fois. Moi, je pourrais mesurer rien personnellement là-dedans. Je le vois pas assez souvent pour ça. Mais si eux autres disent qu'il est 4 fois capable de se décider, c'est parce qu'en quelque part, il doit piquer quelque colère, là. Puis sans être obligé de tirer de la carabine, il devient le gun, là. T'sais. Il devient le canon qui sort la balle. Donc, il va se choquer plus souvent. Avec sa blonde, on va se faire engueuler de temps en temps parce que, bon, il va mettre son pied à terre, puis bang, bang, bang, bang, bang. Puis il faut un receveur là-dedans. Mais tu sais, c'est ça. Bon, moi, je peux pas vérifier, mais s'il me dirait, va tirer avec, puis là, il est prêt pour la 308, puis la 3006, puis la 338. Là. À cause qu'ils m'ont dit ça, je dirais, ah, il n'y a pas de trouble. Je ne saurais pas de vérifier s'il serait capable. J'y mettrais la carabine dans les mains, point final. À cause de ça. Je suis rendu au stage d'agir sur l'information. Tandis que vous autres, vous êtes encore à l'étude dans l'information. C'est très, très concret. Même Claude, à un moment donné, je disais, c'est pas concret, sacrément, c'est tout le temps vos yeux, son histoire. Là, à un moment donné, j'ai posé une question sur mes histoires de chat, et puis, boum, t'as ça, là, direct là. Mm. Là, je dis, oups, là, il y a un cheval, lui, là. Mais, tu sais, on est tous dans un mouvement à l'échelle planétaire, là. Fait que les gens, à un moment donné, ils mettent plus les pieds à terre, puis boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, puis... C'est global, ça, là. Écoute, c'est l'apocalypse, sacrément, là. Ils veulent changer complètement la nature mentale des gens. Je dis que les Arabes vont se faire mettre au pied. Ah, tabarnak, ça va être laid, là. Ça va crever de toutes les façons possibles. Tu sais, tu peux te cacher, mais tu peux pas te cacher d'un virus, hein. Fait que, c'est un djihadiste avec un virus quelconque, là. Fait que, ils peuvent aller chercher n'importe comment. N'importe où. De n'importe quelle façon. À un moment donné, tu comprends que la game, c'est que tu es un soldat là-dedans, femme ou homme, et puis qu'il y a des règles là, qui sont plus des règles à caractère animal là, qui prédominent sur la planète. Avant, c'était géré comme des animaux. On regarde n'importe quel film, puis si tu as l'œil un peu là, exercé, tu vas voir le scénario est pensé comme pour les animaux, pour entretenir l'instinct animal. Puis là, à un moment donné, tu vas voir des films comme T'en veux un bon, là, va voir Théorème Zéro. C'est pas au cinéma, ça, là. Tu vas pogner ça dans une cassette vidéo. Tu vas en avoir plein tes bottes, mon homme. Ouais. Yeah. Théorème Zéro, là, ça, je vous jure, c'est pas comment passer à travers. Ouais, ça, c'est vraiment occulte. T'es occulte en asti. Le sens de la vie. La confrontation du chaos par les mathématiques. Asti, voilà. Quelque chose. Au début, là, vous allez regarder ce film-là, vous allez dire, c'est malade, c'est fou, ça. Qu'est-ce qui s'en va où avec ça? C'est une projection de la société d'un temps futur avec une capacité de tout calculer, même y compris le sens de la vie. C'est la dernière grande recherche de la compagnie, c'est de trouver c'est quoi le sens de la vie pour paqueter des produits puis des services qui vont te donner tout le temps le sens de la vie. Ah, puis, tu sais, je compte pas le film, là, parce que la fin est tellement drôle, là. Un Chris de Bolly là, qui joue avec des computers, là, puis c'est des affaires qui écoute bien. Là. Juste les génies qui peuvent arriver à ça, travailler avec ça, puis encore. C'est... Mais le théorème zéro, terrible. Ça m'a pris, là, beaucoup. C'est les fosses qui me disaient, écoute-les. Et puis, moi, j'allais fermer ça, là, après 10 minutes. C'était fou. C'était tellement incohérent, c'était tellement le chaos, là. C'était un non-sens. Je peux pas croire que... Les fois, je disais, non, écoute-les jusqu'à la fin. Sacrement. J'ai trouvé ça pénible là, pendant un gros 3 quarts d'heure. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, whoop, et là, je vais commencer à avoir le sens de l'affaire, là, puis 25 cents à tomber. Mais toughie 3 quarts d'heure. Je vous le dis, là, toughie 3 quarts d'heure. Ben, vous allez vomir ce film-là au début. Là. Ça n'a pas de colis à lui. Question. Le commun des mortels qui sait pas qui prend son intuition pour lire ce que sont les forces, parce que les forces, ça vient de tout le monde. C'est impossible, ça. L'intuition, c'est animal. Okay. Son origine est animale. Tu manges pas de la salade avec un goût de bœuf, à moins d'avoir mis quelque chose de bœuf dedans. Hein. Bon, ben, le bœuf, c'est l'animal, puis la salade, c'est les forces. Okay. Ça goûte les forces, puis ça goûte l'animal. L'intuition, c'est animal. Moi, je vais avoir un médium pour mes chats, pas de trouble. Ouais, un médium pour la perception que je vais avoir de mon père et ses plans, c'est pas de trouble non plus. C'est toujours des rapports avec l'astral. Un rapport avec la source, c'est du pur stock, là, tu sais. Il n'y a pas de comparaison. Je me suis mal exprimée, je pense. C'est l'action mutuelle, là, elle existe pas pour... Pas, elle existe pour tous les humains qui sont sur Terre, puisque les forces... Potentiellement. Potentiellement. Oui, potentiellement. On parle de reconnaître, on parle pas de cohabiter. Il y a bien du monde qui vit avec des voisins qui ne connaissent pas. Je demanderais à Claude, tu connais-tu tous tes voisins sur la rue? Il va dire non. Donc, on cohabite avec des choses sans savoir qu'il y a leur existence. Mais les autres, ils te demandent de connaître leur existence, puis l'influence que ça a dans ta vie, de le voir en premier. Mais pour ça, il faut que tu accordes le fait qu'il existe. Si on te dirait qu'il y a des extraterrestres, tu disais, où ça? Si tu ne connais pas la présence des extraterrestres, les extraterrestres peuvent faire des manipulations sur la science, sur la politique, c'est ça, puis tu ne le sauras jamais. Quand tu commences à être conscient, il y a un dialogue qui peut s'installer, puis on va dire ça en guillemets, tu vas pouvoir commencer à te mêler des décisions qui ont des conséquences à caractère cosmique, mais tant que tu ne peux pas les reconnaître, tu es un animal pour un extraterrestre. Tout à coup, les forces, c'est des extraterrestres. Comment tu peux participer à des changements dans l'évolution? On sort du jeu, là. Il faut que tu aies une communication avec l'autre. Pourquoi qu'il communiquerait avec toi? C'est quoi ton utilité? C'est sûr que si tu regardes dans un coin de l'œil et que tu es comme un animal affolé, ils n'ont pas de temps à perdre. Là. Sans compter que pour eux autres, de la pensée, c'est un virus. Fait qu'ils ne se rendront pas malades à t'entendre penser. Là. Ça carbure peu de vibration dans ces milieux-là. C'est pas de piton là, dans la machine. Là. C'est toutes des affaires. J'ai commencé à goûter à ça, moi, là. Hier, elle m'a dit, le vin, lequel tu veux? Celle-là. Elle était bonne, est-ce que tu veux pas dire que l'autre était pas bon. Ça veut dire que les fois, je voulais celle-là. That's it. Vous n'êtes pas rendu là. Moi, je commence à goûter à ça. Je vous dis, ça se rend. Commencez donc par faire vos classes. Reconnaissez donc que les forces existent. Là, vous avez entendu parler, ouais, je sais, c'est un endoctrinement que vous avez subi, là. Montre-là, c'est à cause du jeu. Ben, le jeu, c'est tabarnak. Comment il faut le parler, est-ce que ça sorte de là, là? Y a-tu, après 30 ans, sacrément, une façon de le parler pour que vous compreniez quelque chose? C'est quoi l'idée? Non, mais c'est parce que si t'es capable de reconnaître quelqu'un, t'es capable de... Parce que si t'es trop dans le jeu, tout passe par toi. Il y a toi puis il y a le reste du monde. Quand t'enlèves le « je » de l'homme, de la pensée, la reconnaissance, elle se crée automatiquement. Parce que ça passe pas par toi. Mais comment tu l'enlèves? Ben ça, c'est avec... Moi, te pose une question bien, bien concrète. Comment qu'une femme sait que si elle veut rejoindre un homme, il faut qu'elle arrête d'être une femme? Es-tu capable de saisir ça? C'est dans l'action. Si moi là, je suis très proche des femmes, hein? OK, on est d'accord à ce point-là? Je suis très proche des femmes, ça ne m'empêche pas d'être un homme, mais je suis très, très proche de la femme. J'ai beaucoup de confiance de la femme. La femme est en sécurité avec moi. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à l'utiliser. Tandis que l'homme, lui, il est avec toi à la condition de t'utiliser. Arrive-moi pas qu'il y a un gars qui dit « Ah, moi, je veux rien. Bullshit. » Il montait toutes les torsions mentales qu'il y a. Là, tu vas dire, ouais, mais si on est une femme, on veut être utile, pas d'accord, je suis totalement d'accord, mais dans ton time frame, dans ton temps, pas dans le temps du gars, dans ton temps, là, tu vas pouvoir parler de deux êtres ensemble. Mais tant que le gars est un gars, là, excuse-moi, il va la mettre à son service, il va y installer des fonctions, toi tu fais ça, moi je fais ça, puis pop, pop, pop, pop, pop, pour que ça fasse son affaire à lui. Moi, je te dis, veux-tu faire la cuisine? Moi, essayez. Mais je ne te garantis pas des résultats. Peut-être que tu vas trouver que tu es meilleur cuisinière que moi. Mais je vais essayer. Si tu penses que ça peut libérer ton être, tu vas faire la cuisine. Tu vas manger des toasts du griot en estime. Hein? On ne fait pas manger chez nous. Je n'ai même pas de poêle chez nous. Un micro-ondes, je m'en sers pour faire du pop-corn. OK. Tu veux aller au restaurant? Ah, anyway. Si tu veux me faire le changement du Tim Hortons, j'apprécierais. Tim Hortons, McDo, là. C'est pas mal mon quotidien, ça. Là, sa femme elle m'a recommandé des produits là, pour me nettoyer la carcasse. Chris, 2 jours plus tard, je me souvenais même plus du nom. Il fallait que je traîne mon agenda. Puis quand j'avais mon agenda, je pensais pas à ça. On dirait que ça veut pas me nettoyer. Là. Mais faire des balles, ça. Ils m'ont fait 200 balles, si je n'allais pas être chez mon Biofus, quelque chose. C'est quoi le nom? Elle ne rappelle plus, toi non plus. Tu vois, sa fonction à elle, c'est d'être de le garder en santé. Lui, il se laisse faire. Actimus, ouais, quelque chose dans le genre. En tout cas, je m'en calisse tellement. Là. Mais quand je vais être malade, ça va devenir un projet de vie. Ouais. C'est ça. Fait que tu es écouté quand le besoin se présente. T'sais? Fait que quand vous avez les forces qui vous mettent en situation de choc, c'est le temps de voir que c'est pas ton jeu. Profitez-en, c'est le meilleur temps de votre vie. C'est là que vous pouvez devenir intelligent, situation de choc. Parce que l'être humain a une tendance innée, s'il fait un bon coup, bon, j'ai pris des bonnes décisions. Il va le mettre en jeu. Moi, je le sais, moi, ça fait depuis des années. Quand je fais une journée de travail ou n'importe quoi, ouais, il dit, ouais, vous avez fait une bonne journée aujourd'hui. Au lieu de me référer, j'ai fait une bonne journée, j'ai réglé le problème, quoi, dire, ouais, vous m'avez donné l'énergie pour faire une journée X. Vous avez réglé tel problème. Bon, mais ben ça, c'est déjà là, c'est un mécanisme pour défaire la façon du jeu. Là. Ça revient dans le jeu après, mais l'idée, parce que là, il pousse ça à l'extrême, mais c'est correct qu'il le fasse, parce qu'il est Gémeaux, fait qu'il y a la duplication facile. OK? Parce que les signes doubles ont la duplication facile. Bon, c'est parfait, il le fait dans le sens de sa programmation. Ça va revenir en jeu, mais avec une conscience continuelle que tu es piloté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le problème, c'est pas de parler en jeu ou de pas parler en jeu. C'est le fait de pas être conscient. Si lui, il fait sa journée, puis il dit, ouais, ben c'est bon. Comme moi, j'étais fatigué à soir, j'ai arrivé en retard, mais je savais que quand j'étais en retard, ils me mettent plein temps. Ça fait que, mettre plein temps, c'est parfait. Puis on fait un job. Puis vous êtes, la plupart du gens sont arrivés un petit peu en retard, en plus. Ça fait que, c'était comme tout arrangé avec le gars des vues. Mais moi, j'observe ça, j'observe. Fait qu'à final, à un moment donné, tu sais, j'ai plus d'horaire, j'ai l'horaire de qu'est-ce que je vibre, puis de qu'est-ce qui doit se passer. Alors, quand tu m'as appelé au téléphone, là, je voulais 165. S'entends-tu que ça coûte cher, ces tickets-là? Je m'aurais pris plusieurs conférences pour payer un ticket. OK. Là, j'ai slacké la pédale. Charles, tu m'as appelé. Fait que c'était marqué que tu m'appelles pour dire, ben écoute, il n'y a pas personne d'arriver. Il était tout en bas. Ben, t'es ici, t'étais tout seul en ça. Ils sont où? Est-ce qu'ils font? Ils sont sur les plans. Ou moi, je suis sur les plans, mais eux autres sont en bas. En tout cas. C'est quoi? D'autres questions? Moi, si vous compreniez une chose, si vous êtes ces consultants, puis vous voulez aller plus loin que de comprendre, il faut absolument que vous interagissiez avec moi. Puis occupez-vous pas de savoir si vos questions sont intelligentes. Parlez, moi quand j'étais dans une salle à Bernard, Bernard disait, Gromino, tu as une question? J'avais pas de question, j'en inventais une. Puis j'ai passé, combien de temps je l'ai interviewé? Au moins 10 ans, facile. J'inventais les questions, même quand j'étais sur le stage avec lui, là, dans le public, là, j'inventais les questions au fur et à mesure. J'en avais pas de questions, j'avais juste des réponses. J'avais les mêmes réponses que lui parlait, puis j'avais déjà la réponse avant même qu'il parle. Puis j'avais même pas reçu la question, j'avais la réponse, Chris. Puis je posais la question. Vous comprenez que c'est pas important? Que ce qui est important, c'est que le show passe. Il faut que c'est un show, si vous voulez, mais pour le monde, c'est un show. Ah, Chris, il est donc bien sage. Coche la question. Ben oui, c'est sûr, ça vient de la source. Il parle sa source, puis ça vient de la source. Puis il me faisait toutes sortes de gimmicks, tu sais, de genre de... Répétez-moi non ça, vous. Il avait très bien compris, puis là, il s'est levé de bout, puis tu sais, il faisait tout ça dans cette patente, puis je savais que c'était un show, puis il me collait le show avant qu'il le fasse, astie. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça qui compte. C'est la capacité d'interagir avec votre environnement. Vous me verrez jamais, moi, dans l'entrée d'un restaurant... Puis être anonyme. T'es au japonais hier, puis hey, je dis, j'en veux un un katana comme ça. Je dis, où est-ce que je trouve ça? Chris, le gars, il sait même pas mon nom, il me voit rentrer, c'est la première fois de sa vie qu'il me voit. J'ai jamais mangé de sushi à Terrebonne, moi, là. Pop, pop, pop, pop, pop. Puis tout était fait pour le mettre dans ma poche, puis que, tu sais, pop, pop, pop, pop. Tout le temps, je vais n'importe où, c'est toujours le même. Parce que je veux que ça vibre autour de moi, je veux qu'il y ait une dynamique, je veux pas que ce soit un esti de serveur, surtout pas un japonais, qui te sert ça là avec des baguettes, ben, ben straight, ben standard, ben... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est toujours une mise en vibration, tout le temps! Parce que la vie, c'est dans l'interaction. La vie, c'est pas dans tu prends ta case, tu te tasses, puis l'autre, il dit c'est de mon tour, puis là, c'est à telle heure, faut que tu t'en ailles. Je veux pas vivre ça. Je sais pas si vous autres, Steve, vous restez encore du jus dans la batterie pour le vivre d'une façon, on va dire, un petit peu plus marginale, mais c'est ça la vraie vie. Tandis que de tout se faire caser, t'aimes, tu fais ça, t'achètes une maison, puis la vie, ça reste même, tout le temps. Pas ça la vie, pas ça. Le jus dans la batterie, il augmente à mesure que tu te mets en action. Oui. Tu peux y aller à ton rythme, mais il faut que tu te mettes à l'action. Tu es équipé pour le reload. Je t'ai poussé la machine au max. Je t'ai regardé ce que tu étais capable de prendre. Là, je dis, oups, elle est à veille de vomir. On arrête ça. On va y laisser digérer. Il faut qu'elle, pas qu'elle fasse des petits rapports de bébé, là. Les coliques. Puis là, ben ça, t'es revenu. Puis mon gage, c'est Madeleine. Si Madeleine a fait un gros mot, il faut que tu fasses un gros mot. Fait que. Là, Madeleine a fait ses balles. Hein? Céline, il faut qu'elle fasse ses balles. Ben, Céline est toi en deuxième. Fait que, là, on voit s'il est capable de faire quelque chose en premier pour que Madeleine se brûle, le grouille le cul. Mais là, à date, Madeleine, elle garde la peau. Bon, OK, correct. Moi, j'ai même été voir son coach pour savoir comment il travaillait, pour savoir à quel rythme on était pour travailler. T'as pas d'idée à quel point les forces me mettent sur la ligne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même il m'a envoyé un email, je te l'avais dit. Pour me dire qu'est-ce qu'il avait fait avec Madeleine. Il est rendu qu'il se met au rapport avec moi. fait que je sais exactement ce que Madeleine fait, quelle poudre qu'elle utilise, combien de grains elle met dans ses balles. Oui, c'est ouais, non, je suis un méchant, moi, nous. Mais les forces, c'est eux autres qui me font agir, tu sais. Donc, ils veulent que je m'occupe encore de Madeleine, mais par la bande. Par la bébite. La bébite, c'est la compétition, elle. Ouais. Donc, je la poigne par la bébite. J'essaie de mettre Céline en compétition avec Madeleine. Puis de la suréquiper d'informations pour que Madeleine n'ait jamais le edge sur Céline. À part avoir des carabines, ça, c'est une question de budget. Mais elle n'aura pas le edge, tu sais. Si Céline, elle dit, il me semble que tes lignes sont beaux. Ah, j'ai fait chimer, mais ben, ouais, mais chimer, ça, c'est une job de con parce que ça veut dire que tu n'as pas les bons lignes. Quand tu es rendu à chimer ton canon, là, c'est pas bon, là. C'est, si la chime part, t'es faite, là, si ton crise de canon va à côté sur le chose, il va faire fendre le. Une lentille dans ton scope, puis c'est final de bâton. Ah, on va être capable de tenir le discours. Fait qu'à un moment donné, dans le temps, on va être obligé de faire une petite dépense. Chris, tu dépenses 3000 pièces une carabine, tu ne changes pas les rings. Il y a quelque chose de malade. Les rings qui font sur un scope de qualité. Une anchose, ça coûte 48 pièces. C'est des loupeaux. That's it. Final de bâton. Penses-tu que j'irais niaiser? Je viens de m'acheter des rings à 200$, des Night Force, parce que les autres étaient bons, mais j'aimais pas la façon qu'ils se démontaient. Puis je veux utiliser ma carabine, je veux utiliser mon télescope. Écoute, j'ai un télescope de 2000$, Carlis. Je veux qu'il me serve sur trois carabines. C'est ça. Ben, c'est normal. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, ben, un scope par carabine. Ben non, moi, je voulais avoir ça, fait que je voulais avoir les rings montés sur le dessus plutôt que montés sur le côté. Ils sont bons, les rings, j'ai payé ça 180$. Mais c'est pas ça que je voulais ça. L'autre, est-ce que c'est pour 40$? Marche pas. Elle vient acheter une carabine de 3000. Ben, c'est Madeleine. Je la connais de même. Moi, j'ai jamais vu Madeleine autrement que ça. Ben, je trouve ça drôle parce que la bébite est encore là. T'sais. Mais je sais aussi comment y parler pour qu'elle change ses rings. Ça. Madeleine, sacrement, t'as la plus belle carabine du groupe. Mais t'as des rings de cul. Tu fais pitié encore. Maudit, cette valeur, tu vas pas encore ma voisine. Je t'ai avancé l'argent. Non, non, non, non. Je suis capable tout seul, je suis consciente à cette heure. Les forces me parlent. Ben, ils t'ont manqué ce bout-là. Il va avoir une mouche dans le coin de la page. C'était d'être chelou par l'astral. Good bien. Moi, j'ai une question par rapport à. C'est toujours qu'on n'est pas responsable, mais d'un autre côté, à un moment donné, tu as parlé de. On n'est pas responsable au niveau des forces, mais on a une responsabilité civile. Ben, on est dans une société. Je vais tirer dans le bois, je réveille le mont, je réveille le tour du lac. Tu sais, pour tirer la carabine, Chris, tu peux pas te la mettre dans le cou, tabarnak, puis tirer, ou te la mettre en avant, hein, on s'en d'accord. Il y a comme une procédure. Puis chaque chose a sa procédure, puis quand tu es capable d'être intelligent, tu n'es pas dans une morale sociale, mais tu es dans une intelligence que tu veux reconnaître que, bon, telle loi a été faite. Tu fais un stop à 3 h l'après-midi, puis tu fais un stop à 3 h du matin. Ça n'a pas la même conséquence. Fait que moi, à 3 h du matin, je me sens pas moralement en danger de passer sur le stop. Mais c'est intelligent à 3 h, quand il y a des enfants qui traversent la rue, de faire tes stops. Dans ce sens-là, la nuance est-tu passée? C'est ça. Comme un common sense, là, un gros bon sens. Gros bon sens. C'est ta game avec les forces, c'est toujours une histoire de cohérence. Ils vont t'emmener dans la jungle, câlisse. Tu connaîtras pas les règles de la jungle, tu sais, genre quand tu dors, faut que tu dormes dans un arbre, n'importe quoi, là. Ils vont te faire faire quelque chose, mais si tu n'exécutes pas, tu vas te faire bouffer, câlisse. C'est pas compliqué, c'est simple, simple, simple, simple, simple. Ils disent de faire ça, il y a une raison, ils sont plus intelligents que toi, ils ont une vision GPS de la situation. Mais quitte! Dans ce sens-là, tu as une responsabilité d'obéir. Moi, la seule responsabilité que j'ai, c'est d'obéir. Là, ils m'ont dit slack, c'est les choses, ils vont te faire tomber malade. OK, ça, je fais quoi? Il dit, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, c'est nous autres qui rendons le show. Il dit, on t'enlève ce qu'on veut bien t'enlever. Puis, tu vas avoir du fun d'une autre façon. Il dit, là, gars, tu commences à avoir du fun avec tes infimes, là, ceux qui ont perdu un œil. Bon, tu vois, là, tu vas plus loin que le chat. Je me suis même tiré aux cartes, puis ils m'ont dit que j'avais passé l'affaire du chat. J'étais dans le monde du félin, là, tu sais. J'aimais le félin pour le félin, j'étais pas dans... Puis le félin, il représente quelque chose dans l'univers. Ils me l'ont pas dit encore, mais... Tu sais, c'est comme, tu vas plus loin que l'animal en termes de forme. T'es plus dans t'aimes la couleur. Là, si j'ai passé le trip où j'en ai toutes les astuces de couleurs chez nous. Puis j'aime le chat pour ce qu'il dégage. Point final, qu'il soit bébé, aveugle, n'importe quoi. Tant qu'il est heureux, le chat, c'est juste ça que tu dois avoir comme relation, tu sais. OK, c'est ça. OK, j'ai plus de goût. T'sais, j'ai plus tant le goût de... Je suis capable d'aimer les gens pour ce qu'ils sont en tant qu'être. Fait que je devrais être capable avec un chat, police. Tu sais, fait que la personne, elle m'arrive, puis là, c'est rendu que je commence à endurer celui qui bégaye. Mon fournisseur de bouffe, de chien pis de chat, là. Il sait que je le dérange, ça me dérange. Puis là, c'est rendu, ben, vas-y, dame, laisse-toi aller. Bon, OK, ça ressemble à un char qui spinne sur l'asphalte. Je dis, ils vont faire de moi un gars qui va, Benetton, qui va accepter tout dans toutes les situations. Ils vont faire ça avec nous autres. Ils m'ont dit, ah, moi, je veux pas ça, je veux pas rencontrer. Tu sais, je regarde des femmes, je dis, ah, moi, un gars qui a de l'air de ça, j'en veux pas. Puis, pop, pop, pop. Tu sais, à un moment donné, ils vont te faire prendre ton trou. Si le gars va te sauver la vie, si t'es en fait inflate, il est l'hiver, il fait moins 30. Puis le gars, il est laid, là. Tu sais, c'est genre, il est comme, en tout cas, je ne dirais pas parce qu'il achète toutes mes CD, là. En tout cas, disons que, quand il y a une blonde, je suis surpris. Là, il va arrêter, il va sauver la fille, parce que, écoute, si on était à la table l'autre fois, il a tué 21 mouches pendant qu'on mangeait. 21! 21 mouches, faut le tuer, 21 mouches, il comptait, À la fin du snack, là, on bossait quoi, une heure au restant, il a tué 21 mouches. J'ai essayé de faire le même score, moi. Je suis rendu à 4. 4 mouches, c'était mon score total, final. Dans un autre restaurant, tout seul, devant moi-même, pour voir si j'étais aussi performant. Qu'est-ce qu'il avait avec les mouches, là? La vie, tu sais, c'est une multitude de surprises. Puis, tu sais, quand tu es sur les plans, là, t'as de l'air de rien, hein? T'es ni homme ni femme. C'est juste l'énergie. Tu vois juste une poche blanche qui se promène, là. OK. Ce que vous avez l'air ici, là, oubliez ça. Là. Puis ce que t'avais l'air quand t'avais 20 ans, ce que t'as l'air aujourd'hui, là. Hein, on s'entend que c'est une petite différence. Est-ce que je t'aurais creusé il y a 20 ans? Aujourd'hui, ben, relation mentale, ça me suffit. C'est tellement relatif. Fait que tu peux pas prendre quelqu'un et dire moi c'est ça. Non, non, c'est ça là, mais c'est pas ça peut-être dans 10 ans. Là, en étant faire une action mutuelle. Avec les forces, c'est reconnaître. Mais étant donné que c'est pas nous autres qui pensons. Mais l'action mutuelle, c'est la relation que tu as avec les forces. Okay. Quand tu penses, tu n'es pas en relation avec eux autres. Okay. Être en relation avec eux autres, c'est reconnaître leur relation avec toi. Quand tu penses. Tu peux pas être dans le jeu, là. Quand tu reconnais, pour reconnaître les forces, faut pas que tu sois dans le jeu. Ça. Bon, mais reste cohérente, là, dans ta question. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Non. Reconnaître les forces, c'est être en dehors du jeu. Automatiquement. Moi, je suis totalement conscient que ça parle. J'ai pas conscience de penser ce que j'ai à dire. Je suis pas dans, je pense que je dis quelque chose. Je sais même pas ce que je vais dire dans 30 secondes. Fait que c'est eux autres qui m'habitent pour que ça parle. Fait que je suis en totale action mutuelle avec lui, avec eux autres. Fait que je dis avec lui parce que moi et lui, on est pas mal proches, là, tu sais. Pour parler comme je parle, faut que ça soit pas mal proche. C'est pas de l'écho. Vous autres, vous parlez des forces, mais pour moi, c'est pas les forces pour moi. C'est la force. C'est I'm God. Dieu, c'est eux autres, puis moi, je suis Dieu par eux autres. T'sais, c'est comme on est réellement fusionnés ensemble. Là. Bon, excepté que quand je reviens dans la vie courante, ben là, je peux revenir à mon jeu pour avoir un langage avec le monde. Sinon, ben, Christ, je serais un extraterrestre pour le monde. Là. Je serais rejeté à des degrés impensables. Là. Mais vibratoirement, tu peux pas cacher une vibration comme... Des gens comme Ménard dégagent une vibration particulière. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui capte ça. Non, non, non. Ton mari ne verrait jamais ça. Il verrait juste un gars qui a un Mercedes, qui n'a pas d'argent, qui est cassé puis qui ne peut pas acheter plus qu'un popsicle dans sa journée. C'est comme ça, il me lirait à travers les yeux de la matière. Il verrait pas un initié. Puis si je dirais je suis initié, il partirait à rire. C'est quoi ça? Initié de la finance, initié de, tu sais. S'il est wise, comme tu dis, là, poser des questions sur la nature de l'initiation que j'ai reçue. De qui? Avec quoi? Un initié de la finance, c'est un gars qui étudie à Harvard, qui étudie à quelque part. La finance, hein. C'est pas grand monde, ça. C'est des gens qui ont accédé à une certaine sensibilité puis qui peuvent reconnaître ça, la vibration. Mais tu sais, même dans le groupe de Bernard, là, les anciens, ceux qui ont côtoyé Bernard, là, écoute bien, ils doivent passer un esti de bout le nez bouché parce qu'ils n'ont rien compris de la vie, ça. Non, c'est pas ça la game. Vous devez être capable de rajouter des choses à ce que Bernard a parlé. Il a ouvert le chemin. Il n'a pas fait juste un chemin pour que tu restes dedans. Il a ouvert le chemin. C'est pas pareil, ça, là. Mm. Tu es supposé être capable d'engendrer une nouvelle connaissance, entretenir une nouvelle connaissance. Tu sais, la mort du vieil égo, là, c'est OK, Christ, quand tu l'as vécu une fois, tu n'as pas besoin d'écouter la cassette 45 fois. Là. Et non, s'il y a un Christ de clown qui va répéter ça là, à l'infini, là. Vends des CD puis dis aux gens qui l'écoutent sous peine de prison, ses plans, là. Pendant, je sais pas, 50 fois, ben après ça, tu vas avoir fait ton devoir, tu sais. Comme des pénitences, quand t'allais à la confesse, vous allez faire 10, je vous salue, ma vie. Je vous salue, ma vie. D'autres questions, mesdames? Moi, c'est au niveau de la répercussion sur l'ego. C'est quoi, ça? Ben, je me pose une question. Ben, mettons, la reconnaissance des forces. Faut que tu reconnaisses les forces. Faut que tu reconnaisses les forces dans tout ce que tu fais. Moi, je me suis dans mon char. Toi, tu t'assis dans un Mercedes aussi. Moi, à toi, matin, quand je me suis dans mon char, je dis merci. Moi, mon ego, il n'était pas capable d'acheter ça. Moi, c'est les forces qui m'ont fait acheter ça. Toi, tu n'étais pas capable d'acheter ça. Tu t'en allais t'acheter un Kia Orange au même prix que ton Benz. Tu te vois-tu avec un petit colis de Kia Orange à débarquer tes chaudières puis tes mâts parce que tu peux aller. Non, ça n'aurait pas fait le même chemin puis tu n'aurais pas le même genre de clientèle non plus. Bien que c'est moi qui t'ai fait faire ça avec la pression des forces. Fais acheter ça. Elle s'est acheté un petit Chris de B2000, toute un Mercedes, mais c'est tellement anonyme. Hé, touche pas à ça, t'es au téléphone, si je viens de me lever. Je dis, non, pas ça. C'est pas celle-là que je t'ai dit d'acheter, c'est l'autre. Asti, je parle de Céline. On aurait-tu fait un Chris de mauve tout croche? Au niveau de l'âme, vous ne vous donnez pas des permissions pour faire des affaires à main. C'est-tu vraiment plus dur à vivre de te promener en Mercedes que de te promener en Kia? Non. Tu aurais payé même des astuces d'assurance. Tu sais, c'est pas. Puis les gens, ah, ça coûte cher. Tu trouvais que ça coûtait si cher que ça? Moi, c'est drôle, là, j'ai changé une direction, changé un pad. Ça coûte pas plus cher que mon Maximo Calis. Même, il y a des pièces qui ont coûté moins cher. Puis c'est prouvé qu'un Mercedes, ça coûte moins cher. Puis son garagiste, là, qui c'était un astuce de pro, s'entends-tu, là? Il a dit, dans l'allemand, c'est le char à acheter. Dans tout ce qui est allemand, c'est le meilleur char à acheter. En avant d'un Volkswagen. Ça dure plus longtemps. J'ai 120 000 kilos, mes brakes sont encore des originaux. Puis les pads aussi, asti. On ne voit pas ça, c'est un japonais, certain. Hein. En tout cas. C'est l'impact psychologique. Sur ta vie et sur la vie des autres. Parce que les gens, en Allemagne, un Mercedes, c'est standard. Mais ici, un Mercedes, c'est une classe à part. Hein. Un doctorat, je vous l'ai dit, quand vous avez acheté ça, vous avez acheté un doctorat. Puis quand t'es avec un Benz, pas un Benz, mais un Jag qui a mis acheté, c'est pareil. T'en coupes pas parce qu'il y en a moins. Là. Oui, Mercedes, t'en as beaucoup, mais du Jag, ça coupe pas les rues. Là. Quand tu vois un Jag, là, Chris, tu prends le temps de regarder, oups, il y a un petit chat en arrière, c'est quoi ça? Il y a un petit chat. Ah, tu dis que ça te donne un doctorat, mais c'est comme dépasser l'impression, c'est donner de l'impression. Avec moi, vous allez toujours à devoir vous affranchir de vos peurs.